pas de le soir se voir de toi, je crois ton pote. Je me marre des grailles pirates quand ça me botte. C'est ça qu'on nous accuse. Ok, c'est donc pour toi qu'on presse. Si t'as quelque chose à dire, on va falloir venir. Ça se passe à Yverdon, Gambie et la prod Proton. Si t'as quelque chose à dire, pas par mail, pas par fax, pas non plus par SMS, pas par le biais et de toutes tes fausses promesses, pas comme ça. Ce sourire jaune pâtisse pas avec des chiens battus en plastique, pas par balle. Tendant chez les jeunes ricains, non pas comme ça. Ce sourire jaune ricard, pas dans le dos, pas dans le fond. Non, surtout pas par derrière, pas de nouvelles. Pas genre tu connais la dernière, pas des, pas des, pas des gestes, mauvaise humeur, pas un zeste de vestige, de reste de mauvais humour, tu me le dis en français, carrément droit dans les yeux. Tes signaux, tes messages, je ne les comprendrai que mieux. J'ai vu l'homme, qu'a vu l'homme, qu'a vu l'homme, qu'a vu l'ours. Il m'a dit, il m'a rien, ce bâtard, il est bête. Papa, papa, papa, papa, quatre chemins. M'as-tu vu, on m'a dit qu'à Berlin se porte bien. Yo, pire que le gruyère, toi tu pues le secret bancaire. La faute de grammaire et les discussions bancales. Tu sens le standard de l'autre soir, tu sens le faux freestyle. Avec tes yeux qui se taillent, tu sens l'endemain d'hier, tu me le dis. Enfin, et ce n'est pas une menace, car à la sincérité, à défaut d'avoir la classe, pas de menace, pas la place, tu me le dis, toi en face, tu me le dis, toi en face, et ce n'est pas une menace, et ça fait la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, et c'est tellement plus simple, la la la, et c'est tellement plus simple. Ça vient du fond, trouble fait. Vu que je peux toujours pas me taire, ma grande gueule, je l'ouvre, frère. Trop de choses à dire, ici je te le prouve. On en a marre d'attendre notre tour, on vient prendre notre part, frère. Si t'es sur notre route, c'est pas sûr qu'on t'épargne. Ici on t'épate, mais si tu parles mal, on t'éclate. C'est la rue qui te parle, alors vas-y, ne la teste. Hop, ça vient du fond de la tête, là où tout le monde s'en tape. Ça vient du fond des battes, là où tout le monde s'en tape. Tout ça, je le dis à ma façon, ça vient du fond du cœur, de façon, pour ça que je le fais avec passion. Quand c'est la guerre, moi je suis au front, t'as vu. En effet, ça vient du fond de la rue. Si t'en étais pas convaincu, je suis toujours aussi entêté. Eh ouais, pour ça que pour percer, je compte toujours pas donner mes secrets. Et peu importe si sur tes ondes, je suis boycotté. Ça vient tellement du fond qu'on n'est pas prêt d'arrêter. Entends ce son qui vient du fond, résonne des sous sans nos. On s'aime pas dans les quatre et on ne récolte aucun fond. Il faut qu'on bouge. Pas cher autant de bâtards dans les rues que de bâtons dans les ronds. Dans ce son qui vient du fond, résonne des sous-sols en plein fond. On s'aime pas dans les quatre.